Le dromadaire. Avec ses 4 dromadaires, Don Pedro d'Alfarubeira courut le monde et l'admira. Il fit ce que je voudrais faire si j'avais 4 dromadaires.